Dans les environs du monastère de Tours, il y avait un lieu fréquenté par les chrétiens, persuadés d'être sur le tombeau d'un martyr qui avait souffert dans les premières persécutions de l'Église. En suivant l'avis commun du peuple, les évêques précédents y avaient placé un autel. Mais saint Martin, évêque du monastère de Tours, ne crut pas devoir régler sa foi sur un bruit populaire, et s'informa soigneusement auprès des plus anciens prêtres, du nom et du temps où avait souffert ce martyr. Trop éclairé pour qu'un faux saint obtienne le culte de l'Église, par les pièges du démon, Martin découvrait toutes ses ruses, et les rendait inutiles par la prière, et par la sagesse, avec lesquelles il pesait toutes choses, et examinait les esprits. N'ayant rien pu découvrir de sûr, il crut de son devoir de s'abstenir de fréquenter ce lieu, sans l'interdire encore, parce qu'il n'avait pas de preuves suffisantes pour abolir une dévotion déjà établie. Sachant combien Dieu est jaloux du culte qu'on rend à ses saints, sauf si le principal fondement est en la vérité. S'en est-on donc abstenu? Après quelque temps il y alla accompagné d'un nombre de ses disciples. Un jour que la foule n'y était pas tant. Se tenant debout près du tombeau, il demanda à Dieu qu'il lui plaise, de lui faire connaître quelle était la personne enterrée en ce lieu, et quel était son mérite à ses yeux. Sa prière ne fut pas sitôt montée au trône de Dieu, qu'il aperçut un hideux spectre. Il lui donna l'ordre de dire son nom et qui il était. Le spectre obéit, et d'une voix claire, il répondit qu'il avait été fameux voleur, mis à mort pour ses crimes, qu'on honorait par erreur comme martyr. Étant retenu dans les peines, dit-il, je n'ai rien en commun avec les martyrs, qui se réjouissent avec Dieu d'une gloire immortelle. Et il disparut après avoir fait cette déclaration. Les disciples de Martin entendirent la réponse du spectre, mais ne virent pas. Et après avoir rapporté ce qu'il avait plu à Dieu de lui découvrir, Martin fit retirer l'autel qu'on avait placé là.